Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 9h à 11h. Plus ou moins. Plus ou moins. Bonjour à tous. Encore une belle matinée de confinement à tous. Eh bien, nous sommes de retour. N'hésitez pas à nous faire des feedback, comme on dit, sur le groupe Discord, si vous nous entendez bien. Nous avons changé de micro, alors n'hésitez pas à nous dire si le son est bien pour vous ou non. Nous sommes le vendredi 20 mars. Il fait beau, le ciel est bleu, Kevin est à côté de moi. Eh bien, nous sommes peut-être prêts pour envoyer une première chanson pour nous réveiller avec la bonne humeur, avec énergie, puisque quoi de mieux le matin que de se réveiller avec, pour ma part, un bon petit thé. En ce moment, je suis sur un petit English breakfast rapporté d'Angleterre. Et eh bien, nous écoutons une première chanson pour nous mettre en joie, en bonne humeur, c'est Stevie Wonder, c'est Sir Duke. Oh, Nous sommes de retour sur la radio des bons cons. Eh bien écoutez, moi j'ai plutôt bien dormi la nuit dernière, je sais pas pour vous, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos rêves, etc. etc. sur le chat. D'ailleurs, quand on parle de rêves, je vais essayer de remonter un peu le feed d'hier pour vous lire quelques rêves qui m'ont été envoyés par nos chers auditeurs et auditrices. Alors, moi j'ai pas fait de rêve la nuit dernière, j'annonce, hein, en tout cas je me souviens pas de mon rêve d'hier soir. Alors, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos selfies du jour, vos selfies du matin. Le selfie d'aujourd'hui est sponsorisé par notre ami Doug. Doug nous a envoyé son magnifique selfie avec ses cheveux. Je pense qu'il est certainement en train de faire une petite cure de sébum, comme nous a gentiment conseillé Louison. Bon, bah écoutez, je n'arrive pas à remonter le chat. Excusez-moi, c'est un petit peu long. Ah voilà, donc un message de Souko Soulard envoyé hier. Bonjour Chloé, bravo pour ce que vous faites. C'est très gentil, merci. Quand j'étais petite, je faisais ce rêve récurrent. Je me réveillais d'un cauchemar et donc j'allais dans la chambre de ma sœur qui se trouvait au bout du couloir. Arrivée dans la chambre de ma sœur, le lit était vide et là, je me rendais compte que quelqu'un était en train de me regarder par le Velux. Ensuite, je me rendais aux toilettes de l'étage et ma sœur y était, dans la cuvette. Et là, je tirais la chasse d'eau. Pouvez-vous analyser ce rêve ? Eh bien écoutez, pour la partie où vous aviez l'impression que quelqu'un était en train de vous regarder par le Velux, est-ce que vous ne pensez pas que cette personne, peut-être, c'est vous qui vous regardez vous-même, et peut-être que la présence de votre sœur dans ce rêve, c'est peut-être, je ne sais pas, c'est une hypothèse, que finalement, vous appréciez tellement votre sœur, vous avez un complexe d'infériorité par rapport à elle. Vous voulez lui ressembler beaucoup et c'est un modèle pour vous. Voilà, ce n'est qu'une petite analyse comme ça, que je ne sais pas, c'est pour vous, c'est cadeau. Nous avons un autre rêve, de Zouzoute, la Zouzoute. J'ai fait un rêve hyper bizarre, j'accouchais de mon premier enfant, une jolie petite fille en bonne santé, en 10 secondes chrono et sans l'aide de personne. Bravo, belle perf. Du coup, trop contente et tout, et là je l'appelle Laurie, c'était pas le prénom prévu pour son premier enfant. Vous savez que j'ai déjà une liste. Et la grosse angoisse pour savoir si on peut blancoter l'état civil. Bref, réveil en sueur pour savoir si l'administration accepte le blanco. Eh bien écoutez, Zouzoute, la Zouzoute, j'ai une réponse pour vous. L'administration n'accepte pas le blanco. En effet, un petit fun fact de l'administration. Il y a quelques années, notre maire, à Ophélie et à moi-même, s'est rendu compte que son état civil était mauvais. En effet, elle s'appelle Marie-Josée, Marie-Josée, et en fait, au lieu d'un tiret, elle s'est rendue compte que c'était une virgule. Elle n'a donc pas un prénom composé comme elle l'a cru toute sa vie, mais elle s'appelle Marie, deuxième prénom Josée. Et voilà, l'état civil fait quand même de drôles de choses parfois. Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit son, Kéman ? Est-ce que vous avez quelque chose à nous proposer ? Alors, oh, la petite voix du matin, ouais, ça part. Eh ben, on va se faire une petite chanson un petit peu bittersweet, comme on dit, douce amère, avec du Philippe Catherine qui reprend les To Be Free. Ça s'appelle Partir un jour et on est déjà parti. Partir un jour, sans retour, effacer notre amour, sans se retourner. Ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir un jour, sans bagage, oublier ton image, sans se retourner. Ne pas regretter, penser à demain, recommencer. Pour l'envie que l'on a de guider ses pas, pour garder ses émois, écouter son cœur qui bat. savoir regarder un ciel étoilé, tendre les mains à son destin, vouloir plus fort encore demain, partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain, recommencer pour l'amour que l'on donne et qui s'abandonne, un mot que l'on pardonne pour un rêve qui nous étonne, pour le goût retrouvé de la liberté, ouvrir les yeux sans se dire adieu, penser à rien, rêver un peu, partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain, recommencer, partir un jour. Comment déjà, oui, ce Nous avons un nouveau message d'une auditrice de Souko Soulard qui nous dit: bonjour Chloé et Kéman, mon chat m'a encore dérangé cette nuit en miaulant de plus belle. En plus, elle a fait caca dans sa litière, mais un bout de son caca est resté collé à son cucu. Du coup, petite crotte dans la cuisine. Je ne sais plus quoi faire. Message d'une auditrice en détresse. PS, elle s'appelle Griffouille, si ça peut vous aider. Alors, eh bien, écoutez, Ophélie, Souko Soulard, pardon, Souko Soulard, eh bien, écoutez, je pense que vous devez reprendre le pouvoir hein, dans votre maison. Reprenez le pouvoir dans votre maison, c'est vous la chef, c'est vous qui commandez. Je vous propose... Je vous propose de la mettre dehors, hein, cette griffouille, la nuit. Parce qu'à un moment donné, vous êtes en charge, vous commandez, c'est votre maison. Je vous conseille donc de lui montrer qui est le patron. Et je pense que c'est vous. Donc montrez-lui un petit peu. Hein, et n'hésitez pas à garder un petit rouleau de PQ à côté de sa litière. Je sais, le PQ en ce moment, c'est une denrée rare. Voilà, pour lui, vous-même, peut-être, lui nettoyer un petit peu le cucu pour éviter qu'il y ait des petites crottes-crottes dans votre cuisine. Voilà. Alors, on nous dit que c'est sûrement un gémeaux. C'est possible, hein. C'est griffouille, c'est ça. Ce genre d'attitude, c'est très gémeaux. Hein. C'est très, très gémeaux. C'est possible. En parlant de signes astro, je pense qu'il est temps pour nous de faire un petit point astrologie, puisque il se passe énormément, énormément de choses actuellement avec les planètes. Alors, première chose qui est assez importante en ce moment au niveau de l'astrologie, c'est que le Soleil parcourt les tout derniers degrés des poissons. C'est la fin de l'année zodiacale. En effet, demain, le Soleil entre en bélier. Le bélier, l'astre du soi, de la volonté, est arrivé. L'équinoxe de printemps qui a eu lieu hier soir, un petit peu plus tôt cette année, dû au fait que nous sommes dans une année bissextile. Donc l'équinoxe de printemps, c'est un grand moment. C'est une explosion de la vie, de la nature. Demain, c'est le printemps. On se soigne, on renaît collectivement. Alors la saison du bélier, elle nous amène également de la beauté, de la fraîcheur, de la productivité. C'est la nouvelle année, d'accord? Donc on part sur de nouvelles bases. Il faut que vous essayiez d'utiliser cette énergie pour créer un nouveau départ dans votre vie, dans vos routines et dans vos relations. Quoi de mieux? Quoi de mieux, je vous le demande, qu'un petit confinement pour se remettre un peu avec soi-même, pour rester connecté à ses énergies, pour se créer une nouvelle routine, pour savoir ce dont on a envie, quels sont nos rêves. Quelques conseils donc pour commencer cette saison astrologique, cette nouvelle saison du bélier. Je vous conseille d'utiliser cette énergie de cette nouvelle saison pour être créatif. C'est le moment, inventez, faites comme nous, envoyez-nous, je ne sais pas, vos chroniques. N'hésitez pas, faites preuve de créativité. Un autre conseil pour cette saison du bélier, c'est de bouger votre boule. C'est de bouger votre boule. N'hésitez pas, je sais, même si c'est difficile peut-être pour vous, bougez votre boule, faites des je ne sais pas, faites la planche, des choses comme ça, faites des pompes, je ne sais pas, mais bougez-vous. Un autre conseil pour cette saison du bélier, c'est d'accueillir les nouveaux départs. On est actuellement en plein dedans, nous sommes dans un nouveau départ. Prenez le temps d'accepter cette phase de confinement. C'est un nouveau départ pour nous tous, pour la planète, pour vous aussi en tant qu'individu. N'hésitez pas à relâcher les tensions, à pratiquer la gratitude. Soyez heureux que vos proches soient en bonne santé. Nous ne sommes pas les plus mal lotis. On pense très très fort à l'Italie. Soyez également dans un état d'esprit d'abondance. Voilà, vous avez toute la joie autour de vous. Je vous souhaite à tous une joyeuse équinoxe, une joyeuse saison du bélier et une très bonne saison, une très bonne année astrologique. On va peut-être partir à s'écouter un autre petit son. Kéman, qu'est-ce que vous avez en réserve pour nous ce matin? Ben, on va écouter Tyler the Creator, Running Out Time. Et puis d'ici là, je vais essayer de retrouver ma voix. En même temps, s'il arrangeait... Don't say, it's a low tide. Are you... Stop lying for these niggas, stop lying to yourself. I know the real you. Halloween ain't for a minute, lose the costume. You need to chill, okay. We running from the targets in the back in the day. And now they rocking the R, now they tracking the dog. Acting a fool, acting a ball, we packing the park. Yo! But I'm still running out of time. Radio des bons cons, nous sommes de retour pour passer encore quelques minutes ensemble. Nous avons changé de micro, j'espère que vous nous entendez un petit peu mieux. Alors, pour continuer sur l'éphéméride de la journée, aujourd'hui je vous rappelle que nous sommes le vendredi 20 mars, c'est la fin de la semaine, c'est le week-end ce soir, c'est également le week-end pour nous, avec Kéman ce soir, il n'y aura pas de matinale hein, samedi, dimanche, c'est le week-end. Vous retrouverez vos programmes du week-end. Alors aujourd'hui, 20 mars, je vais vous parler donc de l'éphéméride du 20 mars. Aujourd'hui, nous souhaitons un très joyeux anniversaire au Herbert et au Alexandra. Alors bonne fête à tous les petits Herbert et à ma copine Alexandra. Je l'embrasse très très fort et nous pensons très fort également à tous les professeurs des écoles, tous les professeurs du secondaire, tous les professeurs, tous les enseignants en fait en général, pour qui c'est une période un petit peu compliquée. Aujourd'hui 20 mars, nous fêtons la victoire de France Gall à l'Eurovision avec Poupée de cire, Poupée de son. Je vous invite tous à chanter, fredonner. À fredonner, à chanter, poupée de cire, poupée de son. Nous fêtons également aujourd'hui 1974, le 20 mars 1974, la sortie du film Les Valseuses avec Gégé et Patrick. Un très joyeux anniversaire de la sortie de la chanson Les Valseuses. Nous souhaitons aujourd'hui un très joyeux anniversaire à André Chédid. André Chédid, la mamie de Mathieu Chédid, plus connu sous le nom de M. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à aller lire la magnifique poésie d'André Chédid. Allez-y, c'est vraiment magnifique. Nous souhaitons également un très joyeux anniversaire à Spike Lee. C'est son anniversaire, je vous conseille également ses films. Peut-être que Hubert Félix Typhon nous fera un retour Spike Lee pour sa chronique cinéma. Également, peut-être bonne idée pour la chronique cinéma d'Hubert Félix Typhon, c'est également l'anniversaire de Xavier Dolan. Le petit Québécois Xavier Dolan fête son anniversaire, tabarnak, on lui fait tous des gros bécos. C'est également aujourd'hui l'anniversaire de notre Rice à tous, monsieur... Le président René Coty. Contremaître, gardien, technicien, Slimane est le pilier de la société. Soyez les bienvenus, Sidi. Merci à toi, Slimane. Slimane, tu te sens orphelin depuis le départ de Monsieur Jefferson. Sois rassuré, je suis là maintenant. Je suis Lucien Bramard, ton nouveau directeur. Mais je suis avant tout ton ami. Merci, Sidi. Pour sceller notre amitié, je vais te donner quelque chose. Regarde. C'est notre Raïs à nous. C'est Monsieur René Coty. Un grand homme. Il marquera l'histoire. Il aime les cochins chinois, les malgaches, les marocains, les sénégalais. C'est donc ton ami. Ce sera ton porte-bonheur. Merci, Sidi. Jack. Un très, très joyeux anniversaire donc à Monsieur René Coty, notre Raïs à nous. J'embrasse très fort Madame Mona pour cet anniversaire. On sait très bien que Mona aime particulièrement Monsieur René Coty. Si vous avez la possibilité d'imprimer une photo de Monsieur René Coty, nous vous conseillons de la mettre dans votre portefeuille. Ça sera votre porte-bonheur. Et si je peux me permettre, je voudrais souhaiter rapidement un joyeux anniversaire à Jadel Messaadi, hein, qui a 19 ans. 19 ans et en confinement, mais ça n'empêche pas qu'on peut s'amuser et faire la fête. Alors, on lui souhaite un très joyeux anniversaire. Voilà, on est avec elle, on est avec elle. Joyeux anniversaire, Jadel, on t'embrasse, on te fait plein de gros Gilbert Bécaud. Alors, hier, vous avez été nombreux à nous envoyer vos selfies pyjama. Merci, nous vous remercions. Continuez à nous envoyer vos selfies pyjama. On adore ça, on est super contents. Merci. On va également faire un point, si vous le voulez bien, un point sortie de la journée. Donc nous vous rappelons qu'à 12h30, vous pourrez retrouver la chronique de Tata Lolo. Vous retrouverez également cette chronique rediffusée à 18h. À 13h, nous rediffusons la chronique cinéma d'Hubert Félix Typhon. N'hésitez pas à l'écouter si vous avez envie de conseils cinématographiques pour ce confinement. À 14h, c'est l'heure de la chronique beauté de Louison. Nous vous rappelons qu'hier, le sujet de la chronique, c'était le point cure de sébum. Écoutez, Louison, merci pour tous vos conseils. J'ai commencé la mienne, ça se passe super bien. À 16h, entre 16h et 17h, c'est Ophélie qui sera en direct pour le point confinement. Alors n'hésitez pas à être avec nous, vous pouvez toujours envoyer vos questions sur le chat, vos questions également, vous pouvez nous les envoyer via Facebook ou Instagram, n'hésitez pas. Et enfin, à 23h, c'est l'heure des lectures du soir avec Mona et Louison. Si vous avez loupé les lectures d'hier, vous pouvez les retrouver dans nos archives de la radio avec également plusieurs chroniques qui ont déjà été diffusées. N'hésitez pas à nous envoyer vos selfies, je le redis encore une fois. Ça nous fait fort plaisir de voir vos petites têtes de cucul le matin. C'est magnifique. Alors, est-ce qu'on s'écouterait pas une petite quelque chose? Moi, j'aimerais bien quelque chose d'un petit peu doux pour cette matinée. Il fait beau, le ciel est bleu. Est-ce qu'on se ferait pas quelque chose d'un petit peu doux? Qu'est-ce que vous avez à me proposer, Kéman? Eh ben, bah j'ai quelque chose à proposer, mais il faut que j'en parle un petit peu avant, à moins que vous pensiez à autre chose peut-être. Non, allez-y, faites-nous rêver. Non, bah allez, on va partir sur un morceau qui est déjà sur les ondes depuis 24 heures au moins, j'en ai entendu parler. Alors moi, si vous voulez, j'ai des petites choses à dire sur cette musique, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la francophonie. Alors, qui de mieux qu'une reprise de Christophe, des beaux mots de Christophe, pour célébrer cette journée de la francophonie. Il est 6h au clocher de l'église, dans le square les fleurs poétisent, une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Qu'on dit avec les yeux, parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. heureux, je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge et plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui cacherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole. Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 9h à 11h. Plus ou moins. Plus ou moins. Nous sommes toujours en direct sur la radio des bons cons. Ça fait bien plaisir d'être avec vous ce matin. Il fait toujours super beau à la Rouxière, les oiseaux chantent, Kéman est avec un magnifique jogo bleu, c'est magnifique. Quelle belle journée s'annonce avec nous, voilà. Je dis n'importe quoi, je suis pas très réveillée encore, je suis désolée. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui, Kéman, quel est le groupe que vous allez nous faire découvrir aujourd'hui? Alors, on va parler... Après une demande d'une auditrice, nous allons parler de Phoenix. Wouhou ! Ouais, voilà. Et puis je sais que ça fera plaisir à notre directrice des programmes. Hein, voilà. Bon, je prends également le risque de me faire virer en lançant une information fausse potentiellement, mais bon, voilà, je suis un aventurier. Je tiens juste à préciser, petite parenthèse, hein, on a des soucis de micro depuis 3 émissions. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'on a trouvé la source de ces soucis, mais là, actuellement, on enregistre avec le micro intégré de l'ordinateur, donc c'est peut-être pour ça que vous nous entendez de manière un peu distante, mais on va avoir un week-end pour se préparer techniquement, et lundi, on reviendra avec des micros tout beaux, tout neufs, qui fonctionnent comme des micros qui fonctionnent, quoi, j'ai envie de dire. Donc on va parler de Phoenix, c'est un groupe qui est quand même pas tout jeune, mais c'est qu'un groupe qui est français et qui est connu à l'international, donc on n'a pas beaucoup de groupes en France qui peuvent se vanter de ça. Donc il y a le triptyque de la mort, hein, trois groupes qui viennent tous de Versailles, excusez-moi, qui viennent tous de Versailles, on a R, donc voilà, Daft Punk, voilà, tout le monde connaît Daft Punk, je ne vais pas trop représenter, et les Phoenix. Il faut savoir hein, qu'il y a eu des petits avant que ces groupes se forment dans les années 90, certains jouaient dans les groupes des autres, voilà, avaient d'autres noms. Enfin voilà, ces trois groupes-là, c'est des gens qui se fréquentent en plus d'être super connus partout dans le monde. On est sur un petit milieu quoi à Versailles. Donc les mecs de Phoenix, ils ont sorti un premier album United dans les années 2000. Alors le nom comme ça, vous dites peut-être rien, mais il y a le tube If I Ever Feel Better qui est leur premier gros tube hein, qui passait sur Energy à l'époque. Voilà, qui vient de cet album. Donc il est un peu barré, hein, on passe par plein de choses, il y a des côtés un petit peu presque soul, il y a des côtés R&B, puis il y a des côtés gros rock metal avec des solos en tapping, c'est un album assez barré. Je vous conseille donc If I Ever Feel Better, ou alors l'autre single Too Young, qui est pas mal aussi. Hein. Voilà, un peu plus tard, ils ont sorti Alphabetical, donc là on est sur des batteries électroniques, là vraiment il y a des chansons R&B, d'ailleurs je vais vous faire écouter une de mes chansons préférées de Phoenix juste après cette petite chronique, qui vient de cet album-là, et qui a cette petite patte année 2000 quoi, hein. Presque Camaro j'ai envie de dire, voire la Rousseau peut-être, hein. Alors en 2006 c'est un autre album, moi c'est à partir de là que j'ai commencé à bien poncer Phoenix, parce que ça passait pas mal sur le Move, vous vous rappelez cette radio qui à l'époque passait de la bonne musique. Ça s'appelle It's Never Been Like That, avec des morceaux comme Consolation Prices. Là c'est de la pop guitare comme on en faisait bien dans la fin des années 2000, début 2010 quoi. On a deux guitares, une basse, une batterie, un chanteur pop qui chante pas de ouf, mais bon, il sait ce qu'il fait, voilà. Voilà, si vous voulez vous mettre de bonne humeur, écoutez cet album là, It's Never Been Like That. Voilà, si, pour faire le ménage, c'est parfait, pour faire la cuisine, je pense, voilà. On est sur un truc qui booste bien. Et puis bon, après, 2009, bon là, à partir de là, plus personne peut faire semblant de pas connaître Phoenix. Hein. C'est Wolfgang Amadeus Phoenix. On a des tubes à tous les étages sur cet album. Hein, 1901, Listomania, voilà, des trucs, voilà, c'est ouf. Et bon, si vous voulez voyager un peu plus, faites-vous le Love Like a Sunset, la chanson de 9 minutes en deux parties, qui t'emmène par plein d'émotions. Donc voilà, pareil, hein, ça c'est un grand classique, je vois pas comment vous auriez pu échapper à au moins un des titres de cet album-là. Si vous voulez vous le refaire en entier pour vous rappeler la fin des années 2000, vous savez, cette décennie où on n'avait pas des virus qui nous enfermaient chez nous, où on n'avait pas des attentats dans nos Bataclan, enfin voilà, c'était mieux avant de toute façon, hein, comme dirait Pascal Praud. Et en 2013, on a Bankrupt. Donc là, voilà, les synthés commencent à prendre le pas sur les guitares. Donc moi, à partir du moment où les synthés prennent le pas sur les guitares, ça me fait toujours un peu plus chier. Mais bon, voilà, Phoenix quand même, on touche pas trop à Phoenix. Donc moi, c'est pas mon album préféré. Si vous êtes plus dans les textures électroniques, que vous aimez bien les synthétiseurs et que vous trouvez que les guitares, c'est un instrument qui est saut 2004, eh ben, écoutez Bankrupt, vous allez kiffer. Et le dernier, c'est Tiamo, hein, qui est dans cette continuité. Voilà, ça sent la glace à la vanille qui fond sur vos doigts en vous baladant le long de la côte. Ça sent l'Italie, mais l'Italie d'avant, pas l'Italie actuelle. Voilà, ça sent la bonne humeur, ça sent l'été. Donc si vous voulez anticiper l'été qui je suis sûr se passera en extérieur déjà de préférence et dont on saura davantage profiter, écoutez Tiamo. Mais en attendant, je vais plutôt vous faire écouter un morceau qui vient d'Alphabetical. Donc le deuxième album de Phoenix, on est sur une autre tendance, la tendance hip-hop R&B. C'est peut-être un morceau que vous connaissez moins, mais moi, pour moi, c'est un de mes préférés. Tout en douceur, tout en émotion, tout en amour. Ça s'appelle Love for Granted. Et c'est parti. Oh, these days are gone. Allowed enough to hold on. I think about the time we wasted. I think about the years to come. It's getting late and I can't call. It's getting late to face it all. I think about the time we wasted. My loneliness has slowly grown. I told you not to cross the line and leave me with your love for granted. The letters from your broken heart, I think I might have lost them somewhere. Don't tell me about your lies. Ooh. Don't tell me about your secrets. Oh, my love is easy. You are everything I need. Now your love is gone. I want it safe and guaranteed. Our life is such a fine line, looking at the bright line. I think about the time we wasted. For someday I'll be coming too. Tonight is dying on its own. And now I got your love for granted. It doesn't matter right or wrong, as long as you are hiding somewhere. Ooh, don't tell me about your lies. Ooh. La radio des bons cons, la radio des bons cons finis, mais pas finaux, la radio des bons cons. Toujours en direct sur la radio des bons cons, nous sommes le vendredi 20 mars. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du conte. Alors ouvrez un livre, faites-vous plaisir. Un petit conte, le conte de la crypte par exemple, si vous aimez les histoires qui font peur. C'est également la journée internationale de la francophonie. Alors, n'hésitez pas à lire des poèmes, jouer de la langue française, faites des jeux de mots, des calembours. Notre langue est riche et n'hésitez pas à jouer avec. Envoyez-nous vos textes, vos calembours. Je vous propose également de réécouter le texte de Théo qui nous a fait hier, qui était particulièrement cocasse et rigolo. C'est également aujourd'hui la journée internationale sans viande. Donc les petits culs, vous pouvez vous faire une petite journée végétarienne. N'hésitez pas, c'est l'occasion. C'est la journée internationale sans viande. Et aujourd'hui, nous fêtons également la journée mondiale du bonheur. Alors, on entoure ses proches d'amour, on envoie du bonheur à tout le monde, à ses proches, bien évidemment, on leur envoie de loin et avec un masque de préférence, mais on leur envoie quand même tout cet amour. Voilà. Hier, nous avons fait, comme tous les jours, un petit jeu, un jeu que Kéman nous fait. Kéman nous parle des films qu'il a vus récemment et nous fait un petit résumé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, je rappelle les règles du jeu. Pour commenter, pour retrouver de quel film parle Kéman, vous devez commenter la dernière publication qu'il y a sur la radio des bons cons. La dernière publication de la radio des bons cons, je le précise. Sur Facebook. Sur Facebook, c'est la tête de Doug qui est prêt pour la matinale. C'est une photo de Doug. Donc, allez sur le Facebook. Ça va aller très très vite. Hein. Depuis le début, ça va très vite. La personne qui a gagné hier, c'était Doug. Nous avons mis sa petite tête de coquinou en photo. En photo du matin. Allez-y, vous êtes prêts? Ça va aller hyper vite, hein, ça va aller hyper vite. Donc Doug hier a gagné le droit de nous faire une spéciale dédicace. Le gagnant d'aujourd'hui aura également ce droit, voilà. Donc le message est le suivant, le message de Douglas. Petit message à monsieur KM. Ça fait 8 ans que j'attends pour consommer le mariage. Je veux ma péter. PS, maman je t'aime. Je ne sais pas qui est ce KM, mais en tout cas, le message est passé. Peut-être qu'il pourra vous répondre. En tout cas, le message est passé. Alors, Kéman, aujourd'hui, de quel film vous allez nous parler? Quel film avez-vous vu récemment? Eh ben, j'ai vu un film. C'était une genre de fresque sociale, j'ai l'impression. Un truc, ouais. Il y avait une famille de Bourges. Il y avait une famille de Bourges, et puis, ils étaient trois gosses, hein, alors je sais plus, le classique, il y avait des filles et des mecs là-dedans, ils vivaient dans les beaux quartiers, hein, c'était, à Paris, voilà, ça, c'était classe, hein, c'était de la maison cossue, de la grosse baraque, du piano à queue, du majordome et tout, et en fait, les mecs, ils se retrouvent perdus, et, ils rencontrent un SDF, ah, mais qui vit dans la rue, quoi, et qui va les aider à... Alors, on comprend pas trop, j'ai pas trop compris comment les mecs se retrouvent perdus, bon, peut-être que les mecs en dehors de Paris, ils connaissent pas, voilà, pour les Parisiens, la province, c'est pas évident, hein. Oh là là, mais quelle rapidité. Eh ben, on a déjà une bonne réponse, je vais continuer, hein, pour laisser la chance à nos auditeurs de trouver également par eux-mêmes, même si nous avons déjà un vainqueur. La tour Montparnasse infernale, mais qui a mis ça? Non, c'est pas la tour Montparnasse infernale, hein, je vais continuer. Hein. Donc voilà, le clochard va les aider, alors plein de péripéties, il rencontre plein de personnages un peu ubuesques, il y a des jumelles à un moment, bon, il se retrouve à marcher sur les voies ferrées, il y a des trucs un peu chelous, je comprends pas trop. Et puis bah évidemment, ce qui devait arriver arriva, quoi, un peu comme un tramway nommé Désir, quoi, le prolo va tomber amoureux de la bourgeoise et la bourgeoise du prolo, quoi. On est sur une classique de la littérature américaine, presque, j'ai envie de dire. Et puis bah voilà, ils vont se retrouver, et puis en fait le prolo, il va finir à vivre avec les bourgeois, et puis bon, tout le monde sait. Ah si, il y a un moment, ils rencontrent des musiciens de jazz dans une vieille baraque, et ils font tous du jazz. Alors ça, les années 20 à Paris peut-être, mais j'ai pas tout compris, quoi. Bon, en tout cas, bon, ils s'entendent bien, quoi. Ça se passe pas trop mal. Bon, bah, du coup, voilà. Est-ce qu'on peut dire le vainqueur maintenant, hein, peut-être? Parce que là, on a eu plusieurs. Un Indien dans la ville. Ah non, mais Laura, je tiens à dire à Laura Goyer, là, qui nous propose des films. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? La tour Montparnasse infernale. Un Indien dans la ville. Donc, vous l'aurez reconnu, c'était les Aristochats. Bravo, voilà. Mona. Bravo, Mona. Tu as gagné. Donc Mona aura sa petite dédicace demain, et je vous parlerai d'un autre film que j'ai vu qui m'a touché et que j'ai pas forcément compris. Et merci à vous les auditeurs de m'aider à y voir plus clair dans ce monde du 7e art qui me dépasse parfois, je dois le dire. C'est vrai, c'est un monde compliqué, hein, le cinéma. Mais heureusement, nous avons Hubert Félix Tiffon pour nous aider à y voir plus clair. Ouais. Qu'est-ce qu'on se dit au revoir là? Eh bien écoutez, ça, le moment on va se dire au revoir. Ça fait exactement 53 minutes que nous sommes en direct avec vous pour cette matinée. On va tout de suite s'empresser avec Kéman d'aller se refaire un petit thé parce qu'il est un petit peu tôt quand même. Ouais. Nous vous disons à lundi, il n'y a pas de matinale ce week-end, hein. C'est le week-end pour nous aussi, on n'est pas des bêtes. Hein, non, on n'est pas des bêtes, mais on va peut-être tâcher de se faire un petit truc en soirée, quoi, de passer du voilà. son, de danser ensemble. Il faut qu'on parle avec la directrice des programmes, là, faut qu'on négocie un truc en termes de contrat. Mais, Exactement, hein, on va essayer de se faire quelque chose pour quand même fêter samedi soir tous ensemble. Hein. C'est samedi soir, voilà, on a envie d'être ensemble. Mais confinés séparément, je le rappelle, ce n'est pas des blagues ce qui se passe en ce moment. Restez chez vous, il y a plein de choses à faire, écoutez la radio des bons cons, mais restez chez vous. Ouais, et ne paniquez pas, je sais qu'on a tendance à vouloir acheter plein de PQ. Moi-même hier, quand j'ai fait tomber un rouleau dans la cuvette des toilettes, j'ai eu un petit moment, une petite goutte de sueur qui a perlé sur mon front, mais on peut s'en sortir. On peut s'en sortir tous ensemble si on respecte les consignes du confinement. Voilà, et bien écoutez, bonne journée à tous. Merci pour vos selfies. Continuez à nous en envoyer, ça nous fait tout chaud dans le clacos. On est presque à 300 auditeurs, on est presque à 300 abonnés sur Facebook. Merci à tous. Franchement, ça nous fait chaud dans le clacos. Continuez à partager la radio des bons cons. On est bientôt à 300. Et là, voilà comme on vous passe direct un extrait du film 300. Voilà. Vous ne passerez pas. Ouais, hein, c'est, non, c'est, pas ça. C'est ça. On voit que Kéman s'y connaît vraiment beaucoup en film. Allez, on finit sur de la bonne humeur, sur un truc pour booty shaker. Exactement. On va danser du cul, on va bien commencer sa journée. Bisous les loulous. Allez, c'est Fancy Diggy Azalea et nous on se connaît plus. First things first, I'm the realest. Realest. Drop this and let the whole world feel it. Let them feel it. And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right, right. You should want a bad bitch like this. Huh? Drop it low and pick it up just like this. Yeah. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. I heal something worth a half a ticket on my wrist. Back. On my wrist. Taking all the liquor straight. Never chase that. Never. Stop like we bring an 88 back. What? Bring the hooks in where the bass at. Champagne spilling, you should taste that. I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo. I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my name. Got to blow. I said, baby, I do this. I thought that you knew this. Can't stand no haters. And honest, the truth is that my flow retarded. HBD departed. I'm stupid, I can't shop in no department and get my money on time. If they got money, decline. I swear I'm in that day so much to get that line of rewind. To get my money on time. If they got money, decline. I just can't worry about no haters, gotta stay on my grind. Now tell me who that, they do that. Put that paper over all, I thought you knew that. I'll be the IGGY, put my name in ball. I've been working, I'm up in here with some change to throw. I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. Stunning how you love that. Got the whole world asking how I does that. Hot girl, hands off, don't touch that. Look at it, I bet you wishing you could clutch that. That's just the way you like it, huh? It's so good, he just wishing he could bite it, huh? Never turn down nothing. Slaying these hoes, go trigger on a gun like I'm so fancy. GGY. Whoa, whoa, whoa, whoa. Ooh.